utopique, le royaume fantasmagorique. Le seul maître à bord, tu prends le large, plongeant dans l'irréel pour mieux transformer ton réel. Le réel mentalement souvent besoin de ce démantèlement. Cette mentale liaison avec l'illusion qui recharge, selon tes passions, tes fantasmes, tes humeurs. Cette imagination, ce espace intérieur que tu aimes tellement, qui parfois te fait peur, s'adaptera d'une autre manière que tout à l'heure. Accroche-toi à tes rêves, persévère et sans répit, pas de la chimère en concert, insérée dans ton esprit. Accroche-toi à tes rêves, persévère et sans répit, pas de la chimère en concert, insérée dans ton esprit. Comme une moche verdine magique, utopie activée pour que tu puisses m'espérer. Enchanté, perpétuellement en chantier. Son seul port accessible passe par l'imagination. Comme un passeport, un port de combustible. Ce paradis est source d'invention, source de création. Détends-toi, ferme les yeux, laisse-toi aller. Laisse ton cœur et ton esprit s'accoupler. Les couleurs, les musiques, les décors, tu les choisis, les persos, le scénario selon ta poésie. À décoller, à ton aller vers cet ailleurs, à toute allure, tester les possibilités pour doper ta réalité par tout ce que tu vas inhaler. Laisse voguer ton esprit sur les flots imités. Tu commences à te rendre compte de la puissance de cette force, mais ce n'est qu'une poussière d'un univers extraordinaire. D'un arbre gigantesque, tu n'as qu'un peu d'écorce. Quitte ton simulateur et pénètre ce mystère. Chimère en conserve, insérée dans ton esprit. Accroche-toi à tes rêves, persévère et sans répit, pas de la chimère en conserve, insérée dans ton esprit. Comme une poche d'imaginaire, utopie activée pour que tu puisses espérer. Comme une poche d'imaginaire, utopie activée pour que tu puisses espérer.